Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. On devait lui parler hier, mais on a eu un empêchement. C'est Marianne Saint-Gelais qui a participé aux qualifications canadiennes de la semaine dernière. On lui parle. Salut Marie! Salut! Marie, comment ça a été la semaine passée? Est-ce que tu es quand même contente? Parce qu'on a vu une Kim Boutin qui est en feu, là. Ben, je suis très contente. En fait, moi, ça me rassure de voir que tranquillement, pas vite, me faire attraper. Hein. J'ai toujours dit que je voulais laisser mon équipe en santé. Puis avec des résultats comme moi, je peux les faire. Donc, avant que je prenne ma retraite, les petites commencent à me rattraper, ben moi, ça me fait très plaisir. Donc, oui, je suis très satisfaite de mon week-end. OK. Au 500 mètres, c'est vraiment ta force, hein, pareil. Tu as fini encore en première place. Je pense que oui. Au niveau canadien, j'ai encore une coche, comme on peut dire, là, aux 500 mètres, de par ma vitesse, mais aussi de par mon explosivité, de ma tactique, puis de gérer une course en avant. Je suis la seule qui peut faire des temps aussi vite que ça en avant encore cette année. Puis, on a bien vu que oui, les filles sont là, mais ils sont pas encore prêtes à prendre la tête puis à me dépasser. C'est au 1000 mètres, je me rappelle bien que Kim t'a passé, hein, c'est ça? Exactement, oui, elle a gagné à 1000 mètres. OK, au 1000 mètres, évidemment, c'est... Des trois, le 500 mètres et le 1500 mètres, c'est peut-être c'est celle qui a le plus de difficultés? Non, moi, je dirais pas ça comme ça. Okay. C'est la distance la plus complète. Donc, les filles qui sont bonnes au 1500, les filles qui sont bonnes au 500 vont être bonnes au 1000 mètres. Donc, c'est un peu la distance où tu as le droit de faire moins d'erreurs, comme moi, j'aime mieux dire. Fait que, moi, je pense que je suis c'est mal maintenant, en fait. C'est que maintenant, le 1500, je pense que c'est une fille qui est complète maintenant, mais que le 1000 mètres, on a moins le droit à l'erreur. C'est clairement ça, parce que les filles qui ont peu de vitesse vont quand même être là et vice-versa. Donc, elle a fait de très belles courses. Moi, j'ai fait des erreurs pour ma part, qui m'a coûté la victoire, mais en bout de ligne, Kim, elle a fait de très belles courses, puis elle mérite amplement ce qui est arrivé en fin de semaine. OK. Et au 1500 mètres, c'était encore une belle victoire pour toi. Exactement. Au 1500 aussi. Je prends beaucoup de confiance, je prends de la maturité aussi sur cette distance-là. Puis niveau canadien, maintenant, je pense que je peux être dans les tops. Marianne, est-ce que tu as des nouvelles des autres formations? Parce que ça change également année après année. Vous autres, c'est la stabilité. Mais est-ce qu'avec ça va être encore les Chinoises, encore sûrement les Coréennes? Il n'y a pas grande nouveauté là-dessus. Ben, côté rivalité, moi, je pense pas que ça va changer. Adversaire, peut-être que oui. On sait qu'en Corée, en Chine, il y a un roulement qui est un peu plus qui est un peu plus régulier que le nôtre, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de bons patineurs, il y a un très bon bassin de jeunes patineurs aussi qui poussent. Ce qui fait que d'année en année, on peut avoir des surprises niveau asiatique. Mais non, c'est clair qu'ils vont rester extrêmement forts, peu importe les filles qui vont se présenter sur la glace. OK. Le fait que c'est en Corée, les prochains jeux, j'imagine qu'on met encore plus d'efforts. Et Pékin également. Les deux prochains Jeux, d'ailleurs, sont en Asie. Donc, certainement qu'on met plus d'efforts là-dessus aussi. Là. Ben, c'est certain que pour la Corée, ils veulent certainement battre des records, surtout en patinage de vitesse. C'est une puissance depuis des années, depuis de nombreuses années. Donc, puis avec les derniers Jeux aussi à Sochi, on part une très belle récolte en termes de médailles. Je parle surtout du courte piste. Mais fait que oui, c'est certain que maintenant ils doivent mettre les bouchées doubles, ils doivent ajuster un peu le tir parce que ça s'est pas super bien passé lors des derniers jeux. Mais peu importe, je pense, où on est, ça reste toujours des adversaires redoutables puis qu'il faut se méfier, tu sais. Marianne, donc ta première compétition, c'est bientôt, c'est Calgary, hein, et après ça, Salt Lake City, c'est ça? Exactement. Du 4 au 6 novembre, on est à Calgary. La semaine suivante, on est à Salt Lake. Puis on lance notre saison de Coupe du Monde. Puis c'est ça, fait qu'on a bien hâte. On a encore un bon mois, par exemple, à se préparer. Puis après ça, on va être fin prêt pour les Coupes du Monde. Hey, Marianne, Marie-Ève Drolet est impressionnante. Hein. Écoute, là, être maman à temps plein, être athlète, 34 ans, c'est pas facile. Puis réussir à se tailler une place sur l'équipe canadienne, moi, je dis chapeau. C'est incroyable, là, dans son cas. Là. Tu sais comment c'est dur? Non, c'est plus. Ouais. C'est plus qu'incroyable qu'Alice Marie-Ève. Écoute, on la côtoie au quotidien. Puis moi, Marie-Ève, c'est une coéquipière, mais c'est avant tout une amie. Donc, écoute, on a vécu un peu toi, à travers elle aussi, toute cette épreuve-là, puis cette remise en forme-là. Elle a jamais voulu arrêter, même si des gens qui croyaient très peu en elle, elle a cru en elle, puis elle a cru en ses chances de revenir. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté de son histoire, c'est qu'elle a toujours cru, puis elle a toujours foncé, puis ça fait qu'à chaque fois, ça fonctionne. Mais honnêtement, là, c'est une athlète à part. Là. Je pense pas que toutes les athlètes sur l'équipe nationale en ce moment qui sont féminines pourraient faire ce que Marie-Ève a fait. Là. C'est assez incroyable, puis elle le fait avec... une humilité incroyable aussi, donc ça la rend plus qu'exceptionnelle, cette fille-là. Il y a déjà 34 ans, c'est déjà assez âgé pour ton sport. Et Tania Vincent, il y avait Tania Vincent qui avait 35, je pense, je m'abuse. Mais puis pas juste ça, c'est la discipline que ça doit demander. Être maman d'un enfant de quoi? Elle a un an, sa fille? Et aussi s'entraîner. Déjà, tu sais, Marianne, ça demande une discipline de faire, s'entraîner. Puis là, en plus, t'es maman. Là. Moi, je trouve ça exceptionnel. Ah oh, ouais, sa routine a beaucoup changé. Sa petite a maintenant 21 mois. OK. Donc, tu sais, oui, ça pousse vite. C'est ça, c'est toute sa routine. C'est aussi le fait que son conjoint n'est pas toujours avec elle parce qu'il doit travailler. Ouais. Donc, elle a appris beaucoup elle a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis. Elle a beaucoup d'aide, elle a des gens qui sont près d'elle, qui lui donnent un gros coup de main, fait que ça vraiment, ça l'apaise beaucoup de choses, mais il reste que c'est une personne incroyable. Moi, je serais pas ce qu'elle ferait, là, c'est certain. En parlant de petits bébés, est-ce que t'es Maureen maintenant? Parce que la dernière fois que je t'ai vue, ça s'en venait. Est-ce que c'est Maureen ou c'est dans les prochains jours, sûrement, là? Pas encore, mais pas encore. Ça s'en vient. Elle est due pour le 22 octobre, donc D'ici quelques semaines... on deviendra pareil marraine. Mais là, tu vas-tu avoir le temps de venir à Saint-Félicien ou c'est ta compétition? C'est comment ça va marcher pour toi? Parce que ça va être en pleine compétition ou en préparation? Ouais, non, je pense pas être capable de venir avant les Coupes du Monde, mais je vais me réserver un petit temps après les Coupes du Monde pour venir la voir, là, ça c'est sûr. OK, ben bravo Marie, puis on se reparle après la première Coupe du Monde ou après ta deuxième Coupe du Monde. Super, merci beaucoup. Marianne Saint-Gelais.